en ligne avec nous à présent, François Morel. François, c'est à vous. En ligne de la RAI, mais au téléphone. On reproche au personnel politique de peu se renouveler. Alain Juppé, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen sont en haut de l'affiche depuis tellement de temps que les meilleurs espoirs masculins et féminins frisent aujourd'hui la cinquantaine bien tapée. Au cinéma, c'est pareil, ce sont toujours les mêmes. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention ce matin sur quelques nouvelles figures qu'il faudrait mettre en avant lors des prochaines tombolas artistiques. Ainsi, Serge Clure tient le premier rôle masculin dans le film « Merci Patron » de François Ruffin. Il joue admirablement un père de famille anciennement employé d'une société de confection industrielle, filiale du groupe LVMH. Je ne sais pas si Serge Clure a fait le conservatoire, s'il a pris des cours chez Blanche Salan ou Jean-Laurent Cochet, s'il a plutôt suivi la méthode Stanislavski ou Strasberg, mais dans le rôle de cet homme du peuple qui a perdu son emploi après que son entreprise a été délocalisée en Pologne, ouvrier au bout du rouleau prêt à mettre le feu à sa maison dont il n'arrive pas à payer les traites, Serge Clure est quasiment aussi crédible que Vincent Lindon. Ainsi, Jocelyne Clure, qui joue dans le film « Merci Patron » de François Ruffin le rôle de Jocelyne Clure, pourrait concourir l'an prochain pour le titre de meilleure actrice. Ancienne ouvrière du textile, elle raconte ses difficultés pour nourrir sa famille, pour se chauffer, pour faire tourner sa maison avec 400 euros par mois. L'année prochaine, ce sera juste de la retrouver en compétition face à Catherine Deneuve, Catherine Fraud et Isabelle Huppert. Il ne faudrait pas oublier les seconds rôles. Bernard Arnault, pour la première fois aussi, tire habilement son épingle du jeu en endossant le rôle d'un patron sans scrupules mais extrêmement soucieux de son image. Il est lui aussi extrêmement crédible dans son rôle, faussement simple, artificiellement proche lors d'une assemblée générale des actionnaires, patron à souhait, c'est un bonheur. Lui pourrait se retrouver en rivalité avec d'autres seconds rôles du même film qui sont également formidables, notamment un ex-commissaire des renseignements généraux qui vient négocier le silence des Clures avec une condescendance et une façon de les prendre pour des imbéciles qui n'est pas sans évoquer l'un des premiers chefs-d'œuvre du cinéma burlesque, L'arroseur arrosé. Le film Merci Patron pourrait quant à lui concourir dans la catégorie meilleur film, François Ruffin dans celle de meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur espoir masculin, meilleur scénario original, meilleur documentaire et même meilleur film étranger, tant ce film, en effet, est tellement étranger au reste de la production cinématographique habituelle. Non seulement Merci Patron dure 1h24, est sorti mercredi dernier, se trouve dans les meilleurs cinémas de France, mais permet encore de rappeler un succès des Charlots qui date de 1971, écrit et composé par Gérard Bergman et Louis Frégo. Merci Patron, merci Patron, merci Patron, merci Patron. Merci patron, les Charlots avec auparavant François Morel qui n'était pas à Radio Londres mais à Rome avec une liaison, vous l'avez compris, extrêmement difficile. On a eu beaucoup de mal à établir cette liaison et puis on l'a pas établie. Il était au téléphone François Morel, mais vous pourrez retrouver sa chronique au propre sur le web sur franceinter.fr d'ici à quelques heures et on écoutera évidemment avec intérêt son, on réécoutera son éloge de Merci Patron de François Ruffin dans les salles en ce moment.